Je trouve que le premier verset que nous avons entendu de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 9, est un des plus beaux de toute l'Écriture, parce que d'une certaine manière, il résume tout le mystère chrétien. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. En effet, nous avons ici comme une contemplation d'abord du mystère de la Trinité. Le Père aime le Fils. Voilà Dieu dans l'amour qui est esprit. Et cet amour est tellement surabondant qu'il a voulu comme s'élargir aux dimensions d'un univers dont on ne connaît pas d'ailleurs les dimensions, d'un univers visible et d'un autre encore plus illimité, d'une certaine manière, un univers invisible. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, parce que en son Fils, tout a été créé. Tout subsiste en lui, et sans lui, rien n'est. Rien subsiste dans l'être. Mais encore davantage, cet amour du Fils est allé jusqu'à l'extrême, puisque il a voulu jeter ce pont entre Dieu et l'homme, ce pont au-dessus de l'abîme que le péché a créé, et ce pont, c'est son humanité, bien sûr, mais aussi sa croix, le sacrifice qu'il a fait de sa vie pour nous, et sa résurrection, qui nous ont réconciliés avec le Père. Et par cet amour extrême, eh bien, le flux de l'Esprit-Saint qui circule entre le Père et le Fils peut maintenant circuler entre Dieu et l'humanité. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Demeurez dans cet amour. C'est dans l'Esprit-Saint que le Père m'engendre éternellement. C'est dans l'Esprit-Saint que j'engendre mon Église et que je la maintiens dans la vie, le mouvement et l'être. Demeurer dans cet amour, ce passage se surajoute à cette allégorie de la vigne que nous avons entendue la semaine dernière. « Je suis la vigne, vous les sarments. » Jésus nous demande de demeurer fixés sur lui, nous qui l'avons été d'abord par le baptême, la confirmation, les sacrements, pour que l'Église soit comme un prolongement du mystère de la Trinité dans le monde, une diversité de personnes unies dans l'amour. Quelle incroyable déclaration d'amour, tout à la mesure divine, parce que ce « comme » il n'est pas seulement comparatif, je dirais il est causal. C'est le même amour qui spire entre le Père et le Fils, qui nous enveloppe du Fils et les uns avec les autres. Jésus veut que l'Église soit comme une société d'amour surnaturel, dont le mouvement, le battement incessant est celui de l'Esprit-Saint. Et il y a aussi quelque chose d'extraordinaire, d'une invitation à une intimité aussi, indicible, parce que la Trinité, c'est une intimité parfaitement achevée. C'est pourquoi elle est éternelle. Elle n'a plus besoin de mouvement pour se perfectionner. Elle est l'être. Et c'est à cette intimité que le Christ nous invite, à cette étreinte que le Père et le Fils se partagent éternellement dans l'Esprit. Voilà que Jésus met la barre très haut. Mais c'est lui qui réalise ça par la puissance du Saint-Esprit. Alors, vous rappelez que pendant le temps de Carême et le temps pascal, nous avons choisi d'examiner les 7 péchés capitaux, les 7 dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du don de conseil. D'abord, quelques remarques sur le don du Saint-Esprit, ou les dons du Saint-Esprit. Il n'y a pas 7 esprits, il y a un seul esprit qui agit sur des modes différents qu'on appelle des dons. Mais ces dons ont quelque chose d'extraordinaire parce que ils sont au fond une activité directe de Dieu dans l'âme humaine. En cela, ils se distinguent des vertus. Je fais cette distinction parce que on va parler du don de conseil qui est au fond un don de gouvernement pour gouverner nos vies, mais aussi pour gouverner une famille, peut-être une entreprise quand on est chrétien, et évidemment aussi pour gouverner l'Église. Ce don de conseil se greffe sur une vertu intellectuelle qu'on appelle la prudence. La prudence, c'est pas ce qu'on entend habituellement. Les gens prudents, vous savez, c'est des gens plutôt qui prennent pas de risques, qui sont timides, qui voilà. Mais la prudence, au sens chrétien, c'est pas cela. Mais c'est plutôt une vertu intellectuelle. C'est l'intelligence qui d'abord cherche le vrai bien et qui ensuite trouve le moyen ou les moyens de l'atteindre. Au fond, cette prudence, nous l'exerçons continuellement sans nous rendre compte, parce que dans notre vie, nous avons des tas d'objectifs à atteindre et nous cherchons les meilleurs moyens de l'atteindre. Et c'est cela, la prudence. Que faire? À quel moment? Avec quels moyens? On est toujours, en fait, dans ce questionnement. Mais la vertu de prudence, eh bien, elle relève de notre activité. Une vertu, comme vous savez, c'est quelque chose qui s'acquiert par la répétition, par l'effort. Un peu comme un musicien, il devient virtuose parce que il fait des gammes, à tel point qu'à un moment donné, quand il joue, ça semble naturel. Comme une ballerine qui s'élance, on se dit, mon Dieu, ça a l'air tellement simple. Mais c'est des heures et des heures et des heures et des heures d'effort pour que ça devienne naturel. Eh bien, c'est cela, une vertu. C'est quelque chose qui s'acquiert par la répétition et qui est le fruit de notre effort. Mais un don du Saint-Esprit, c'est presque l'inverse. Pas au sens moral, c'est pas un vice. Mais c'est une vertu que Dieu, d'une certaine manière, nous donne directement et qui n'est pas le fruit de notre effort, mais qui est un don gratuit de Dieu. Et ce don, cette intervention divine, elle va se faire quand il va y avoir une réceptivité qui va se créer dans notre âme. Et ce qui est beau, c'est que cette réceptivité, c'est la charité surnaturelle qui la crée. Plus j'aime Dieu, plus je suis malléable à son action, plus, d'une certaine manière, je suis passif de son activité. Je suis vulnérable à ses intentions, à ses mouvements, à ses motions. Un peu comme si l'amour déployait des voiles de plus en plus nombreuses et comme sont ces grands voiliers qui ont un appareillage, une voilure large, complexe et riche pour pouvoir naviguer toujours avec plus de précision à travers les différentes circonstances de la mer. Eh bien, c'est la même chose dans notre âme. Dieu veut nous conduire par les dons du Saint-Esprit avec le plus de précision possible pour que nous gardions le cap de sa volonté. Et encore une fois, cette voilure, c'est l'amour qui la crée. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, pas pour rester assis, car c'est lui qui nous a choisis et qui nous envoie, mais pour que toute notre activité humaine soit d'amour, soit inspiré par Dieu et porte un fruit surnaturel. Alors, on a un exemple assez frappant de ce don de conseil dans la première lecture, ce don de conseil qui a été très précieux au début de l'Église. On le voit dans les récits des Actes des Apôtres, parce que la plupart des apôtres, comme vous savez, étaient des Juifs. Jésus les avait formés dans la tradition juive et il n'avait pas été très clair sur la configuration ou le visage que prendrait l'Église après sa mort et sa résurrection et le don du Saint-Esprit. On dirait qu'il voulait leur révéler cela comme une surprise qu'ils allaient apprendre à découvrir avec l'Esprit-Saint. Parce qu'en effet, les premiers chrétiens donc venaient de la synagogue et pensaient que Jésus, avec raison, était le Messie. Mais voilà que l'Esprit-Saint s'agite dans tous les sens et qui vient saisir les cœurs de gens qui sont étrangers à l'alliance de Moïse, ce qui était un bouleversement à l'époque pour ces croyants, ces premiers chrétiens. Mais tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit-Saint. Pierre dit alors, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit tout comme nous ?» C'est clair que là, c'est vraiment le don de conseil. Pierre, qui aime Jésus, qui lui a dit trois fois, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime » et qui est prêt à donner sa vie, il est maintenant un instrument docile dans les mains du Seigneur, la puissance de l'Esprit-Saint, et avec les autres apôtres, avec Paul, ils vont prendre des décisions capitales pour l'histoire de l'Église dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Donc ce don de conseil, il est précieux dans la vie de l'Église, mais dans le gouvernement de toute communauté, parce que Dieu va pouvoir nous éclairer dans l'ordre surnaturel. On a dit que la prudence était une vertu qui était l'effort, donc une vertu naturelle, l'effort de l'être humain, et elle va nous aider pour mener nos affaires, nos études, nos voyages, toutes sortes d'entreprises qui font notre vie. Mais le don de conseil est une vertu, une prudence surnaturelle. C'est Dieu qui connaît ses fins, qui connaît ses voies, qui sont au-delà de nos voies, qui va intervenir avec sa prudence surnaturelle dans notre vie, si notre cœur est ouvert pour ses entreprises à lui, comme c'est le cas pour ici l'histoire de l'Église, mais aussi dans notre vie personnelle. Et on a beaucoup de jeunes ici ce soir, comme d'habitude le dimanche soir, bien ce don de conseil, demandez-le, parce que souvent vous êtes devant des choix importants pour votre vie, des choix vocationnels ou professionnels, mais vous voulez que toute votre vie soit sous le regard de Dieu. Donc, ce don de conseil est précieux. Et il peut germer toujours dans ce milieu divin qu'est la vie de prière. Parce qu'il n'y a pas de technique pour acquérir les dons du Saint-Esprit. Il n'y a pas de recette. C'est la croissance de la vie divine dans notre existence qui va déployer ses voiles. Et c'est pourquoi il est important, quand on cherche les chemins de Dieu dans notre vie, de prendre le temps de se plonger dans ce milieu divin par la prière, par l'adoration. C'est un peu le thème ou l'impulsion que nous avons voulu donner dans ce temps pascal, une heure pour Dieu, une heure pour s'ennuyer souvent. Quand on commence dans la prière, ben, on s'assoit, puis on a des belles pensées au début, puis après, ben, c'est un peu sec. Et voilà, puis on prend un texte, puis c'est pas très savoureux, et puis on regarde sa montre, puis il faut passer une heure avec Dieu. Oh là là, je pensais que Dieu était plus passionnant que ça. Mais peu importe ce que nous ressentons, parce que Dieu agit, il suffit d'un acte de foi pour que sa grâce se répande dans nos cœurs. C'est un peu comme quand vous retournez un sablier. Eh bien, ce qui est en haut, va descendre dans la partie inférieure. Et même si vous secouez le sablier, ça ne va pas faire descendre plus vite. Mais la prière, c'est cela. On ne peut pas prier vite, parce que ça prend un certain temps pour que la grâce se répande en nos cœurs. Et c'est ce temps que nous donnons à Dieu dans le sablier de la prière qui va nous remplir petit à petit, même si ce n'est pas sensible. Et quand le sablier est plein, qu'est-ce qu'on fait? On le retourne. C'est-à-dire, quand on a fini de prier, on retourne dans nos activités. Mais tout ce qu'on a reçu dans le sablier pendant la prière va se répandre dans notre activité. C'est-à-dire, toutes ces lumières qui vont nous permettre de conduire notre vie selon le dessein de Dieu, avec toutes les surprises extraordinaires que cela peut apporter, mais avec tout l'enthousiasme de se sentir guidé par Dieu, à la fois personnellement et en communauté. Donc, Jésus nous dit, « Vous êtes mes amis, je ne vous appelle plus serviteurs, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Voyez, comme Jésus veut nous transmettre cette sagesse de vie, cet art de gouverner que lui a en plénitude. Et il veut, dans l'amitié, dans ce colloque amical qu'est l'oraison, l'adoration, nous infuser cette sagesse qui va nous permettre de nous rendre réceptifs à ces interventions divines, les dons du Saint-Esprit, pour gouverner notre vie selon le dessein de son amour. Amen.